et mon refuge. Étant Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et mon gloire. De ma force et mon refuge, étant Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez vos oreilles. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Ma haute, ma haute, ma haute, ma haute, ma haute. imisebenzi bayayikhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi bayamkhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi bayamkhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi bayayikhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi bayakhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi bayamkhangela bayavuma bathi bayamazi ye imisebenzi. want, Jehovah. Sing the same ways we belong here. Oh, blessed in the room, Kuru Magala from Uwe. Ingen Zinjanina. Kosi Ezukaba, Zinu Kulina. Ipenelwe Imiso. Nako Ke Jehovah, sing the same ways we belong here too. Is the sun as a Kuena. Oba Uwena, is the pepper as a Kuena. Go back to the